بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض. فما زلنا في مسألة منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في تلك أربعة أصناف. وذكر في الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة والصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق. Donc on va continuer inshallah sur l'étude de Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Donc hier, dans la dernière assise, on avait commencé à relater les quatre tendances, les quatre conceptions concernant la question sur l'utilité des adorations et la sagesse de celle-ci, et l'objectif à travers la législation de ces adorations. C'est-à-dire, en d'autres termes plus simples, فِي الْمَنْفَعَةِ الْعِبَادَةِ وَحِكْمَتِهَا. Est-ce que, à travers la législation des adorations, est-ce qu'il y a une sagesse ou non? Et concernant aussi l'utilité de l'adoration. Donc en réalité, dans ce qu'on a commencé à étudier hier, à travers l'étude de cette question, il y a allusion à une grande question fil aqida, dans la croyance. À savoir qu'on a appris dans la dernière assise que عند أهل السنة والجماعة, lorsqu'Allah légifère une adoration, il y a une sagesse immense. Les hikmah. Les hikmatin baligha. Wa hikmatin azima. Il y a une grande sagesse à travers cela. الصنف الأول nous fait le hikam wa ta'lil. Pour eux, on a dit, il n'y a pas de sagesse. C'est juste un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et c'est juste lié à la volonté du Créateur. Allah a voulu cela, c'est tout. Donc pour eux, à travers les adorations, c'est obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il y ait derrière cela une sagesse immense. Donc eux, c'est pour cela que l'auteur les nomme les négateurs des sagesses. C'est pour ça qu'il est dit, il y a les négateurs, cette tendance renie qu'une sagesse quelconque puisse se cacher derrière la prescription des actes d'adoration. Et dit, ils assument que les différents commandements relèvent de la pure volonté divine, ils n'auraient pas pour vocation de procurer le bonheur et le salut sur terre et dans l'au-delà. C'est-à-dire l'adoration. Qala, dans cet ordre, ils prétendent qu'Allah crée sans raison. Il n'y aurait dans la création aucune relation entre les causes et les effets. Et donc, on avait vu dans l'explication de cette partie-là, que cette catégorie de gens لا يجدون حلاوة العبادة ولا يتنعمون بها. L'auteur dit, selon cette, pour cette catégorie-là, dans une parole très pertinente, قال فهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك أو محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له كما قال المصنف. Et vous avez vu à la fin de ce sunf, l'auteur dit وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة. غالبهم. Et selon cette conception des choses, donc on avait bien expliqué cette conception des choses, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de sa sagesse immense qu'il a légiféré les adorations. Et donc Allah a voulu cela, sha'a, il a voulu cela, et aussi derrière il y a des sagesses immenses et des utilités et bénéfices immenses à travers cela. Dans cette première tendance, eux, ils ont nié cela. L'adoration était légiférée parce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu cela. Et ils ont lié cela à al-Mashi'a. Pour eux, c'est lié juste à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on avait bien détaillé ce passage-là. وَهَاُولَا مَذْهَبُ الْجِبْرِيَّةِ قُلْنَا هَذَا الْكَلَامُ وَمَذْهَبُ الْجِبْرِيَّةِ قَالُوا هؤلاء الجبرية الذين يقولون العبادة ليس لها حكمة وإنما نحن نفعلها لمجرد الأمر طاعة لأمر الله عز وجل وإلا فهي ليس لها فائدة ولا حكمة عندهم وهذا ضلال. Ça c'est une erreur grave comme on l'a expliqué dans la dernière assise. يقولون إن أفعال الله كلها ليس فيها حكمة وإنما يفعلها لمجرد مشيئته وإرادته فقط ليس لأجل حكمة في ذلك فينفون الحكمة عن الله عز وجل ويجعلون أفعاله عبثا ليس لها حكمة وهذا مذهب الجبرية وأول من قال بهذا وجعد بن درهم كما قال المصنف رحمة الله عليه. قالوا هذا لأنهم يقولون لأنه يفعل ما يشاء وهذا صحيح. الله عز وجل يفعل ما يشاء فالأمر ليس كذلك عندهم مثلا فإنه هذا لمجرد إرادة الله عز وجل وأن الله يفعل ما يشاء وأما أن العاصي يستحق العقاب والعابد والمطيع يستحق الثواب فالأمر ليس كذلك عندهم فهم ينفون الحكمة و ينفون أن يكون الثواب والعقاب لحكمة وإنما هو لمجرد المشيئة والإرادة ويقولون إن الله يفعل ما يشاء. نعم الله يفعل ما يشاء ولكن لحكمة يفعل ما يريد لحكمة فهو لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله أفعال الله عز وجل لحكمة. الله لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله لحكمة. ليس لا يسأل عما يفعل أنه يفعل الأشياء لغير حكمة. Comme on a expliqué hier. Donc Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, il y a une grande sagesse. Parce que parmi les noms sublimes d'Allah, Al-Hakim. Al-Hakim. Une traduction rapprochée littérale. Du nom sublime, le sage. Falahu al-hikmatul baligha. Donc Allah détient la sagesse infinie. Donc Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il fait, il y a une sagesse. Al-Jibriya, ce madhab-là, cette tendance-là, ils ont nié la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Donc de ce fait, pour eux, observer les ordres, les prescriptions, s'abstenir des interdictions, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu. Et d'ailleurs, pour le Jibriya, dans la question du Qadr, il considère que l'être humain, c'est comme une plume lorsqu'il y a le vent. Il est contraint. On a bien expliqué cela dans la dernière assise. Donc, on continue. L'auteur dit donc, c'était un titre de révision de ce qu'on a appris hier, l'auteur dit donc que, dans un kalam immense, et dit donc, ces gens-là, et goûtent pas à la douceur de l'adoration. Et ne trouvent pas de plaisir. Wala ladhataha. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada yusammun. Pour cela, eux, ils considèrent que la prière, le jeûne, az-zakat, wal-hajj, wal-tawhid, wal-ikhlas, et autres, c'est juste des charges. C'est juste des takalif, andahum. Des charges. Kullifu biha. C'est juste une charge. Alors, lorsqu'on entend cela, quel est le sens de cela? Regardez dans l'explication. Premièrement, هَوَلَا غَالِبُهُمْ لَا يَجِدُونَ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةَ وَلَا لَذَّتَهَا يعني ينتج عن هذا إذا كانوا يقولون إن الطاعة لمجرد الأمر والنهي لمجرد الأمر والمشية فلا يجدون في أنفسهم كراهية للمعصية. Eux, du fait que observer les obligations et s'abstenir de l'ma'asi, des actes de désobéissance, c'est juste lié à la volonté d'Allah. C'est l'ordre d'Allah, Azza wa Jal. C'est se soumettre à son ordre, et cela est lié à sa volonté. Donc pour eux, فَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ كَرَهِيَتْ الْمَعْصِيَةِ. Donc eux en eux, ils n'ont pas le dégoût de la désobéissance. وَلَا يَجِدُونَ لِلطَّاعَةِ حَلَاوَةْ وَالتَّلَذُّذْ. Et donc pour l'obéissance, ils ne trouvent pas de plaisir et de délice. Parce que tout cela, ce n'est que lié à la volonté du Créateur. Jusque-là, vous comprenez, hein? C'est simple, hein? D'ailleurs, c'est une révision. وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُمَا لِمُجَرَّدَ الْإِمْتِثَالِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَقَطْ. Et donc pour eux, lorsqu'ils obéissent à l'ordre du Créateur, c'est juste par soumission à son ordre. C'est juste par soumission à son ordre. وَلَا يَجِدُونَ فِيهِمَا اللَّذَّ وَالرَّحَ فِي الْعِبَادَ. Et donc à travers l'observance de l'adoration, ils ne trouvent pas de repos ni d'apaisement en cela. وهذا من ثمرات هذا القول القبيح. Et l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit pourquoi? Parce que ça, c'est les conséquences de cette pensée. Le fait qu'il ne trouve pas de plaisir à travers l'adoration du Créateur, ça, c'est les conséquences de cette pensée-là. C'est les conséquences de leur conception. ولهذا يسمون يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف. Pour cela, comme on a dit, les actes d'adoration qu'on vient de citer, pour eux, c'est juste des charges. تكاليف. كلفوا بها. Dans le sens, مجرد تكاليف أن الله أراد أن يكلف العباد ويشق عليهم بها وإلا فهي ليس لها غاية ولا منفعة ولا ثمرة. Pour eux, Allah عز وجل a juste imposé cela comme charge aux serviteurs. C'est tout. Pour eux, Allah a juste imposé, c'est-à-dire ces adorations qu'on vient de citer, selon cette première pensée et cette première tendance, donc selon leur conception, ils appellent ça ces actes d'adoration tekalif, dans le sens pour eux, c'est juste une charge. Allah a voulu imposer cette charge à l'homme. وَيَشُقَّ عَلَيْهِمْ comme ils disent. Et donc, leur imposer cette difficulté. C'est tout. Pour eux, rien d'autre. Donc pour eux, les actes d'adoration sont une charge imposée, une difficulté imposée par le Créateur sans qu'il y ait autre chose. C'est-à-dire, sans qu'il y ait d'objectif, sans qu'il y ait d'utilité et sans qu'il y ait de thamara, de fruit à cela. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que eux, c'est nous faites at-ta'lil ou al-hikam. Parce que eux, ce sont les négateurs de la sagesse. Et de l'objectif. Des causes. Wadih al-kalam, vous comprenez? Wa innama arada an yukallifahum wa yusammunaha takalif. Mais eux, pour eux, Allah a juste voulu leur imposer cela comme charge. Sans qu'il y ait de sagesse derrière, sans qu'il y ait de bénéfices, d'utilité ou bien de raya, d'objectif à cela. Et ça, c'est une erreur profonde. Puisque Allah Azza wa Jal a légiféré les adorations, nous a imposé les adorations. C'est une charge pour nous, mais il y a un bénéfice immense. Et il y a une sagesse derrière cela. Et il y a un objectif. Il y a al-raya ou al-hikam والمنفعة والمنافع. Vous comprenez? قال المصنف فلو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. Regardez, là c'est très pertinent ce que va dire l'auteur. Regardez ce qu'il dit. Il dit لو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. Regardez, il dit si par exemple, dans une traduction littérale de cette parole, pourtant, il dit, lorsqu'on prétend aimer un roi, ses ordres ne prennent pas le sens de charge. Celui qui prétend a la prétention d'aimer un malik, min al-mulouk. Il prétend l'aimer. Ce que va lui ordonner le roi, pour lui, c'est pas juste d'être un calife. Il va pas considérer cela comme juste de la charge. Pourquoi? Parce que s'il prétend aimer ce roi, et lorsque ce roi lui ordonne des choses, il pense que c'est juste une charge pour lui, alors en réalité, il ne l'aime pas. Laysa muhibban lahu. En réalité, il ne l'aime pas. C'est pour ça qu'il dit, pourtant, quand on prétend aimer un roi, ses ordres ne prennent pas le sens de charge, mais c'est plutôt un véritable plaisir de les observer, de les assouvir. Dans l'explication, لو فعل هذا بالملوك الذين يحبوهم وقال أوامرهم ليس فيها فائدة ونواهيكم ليس فيها فائدة. S'ils font cela avec leur roi, par exemple, lorsque leur roi il leur ordonne quelque chose ou bien il leur interdit quelque chose, lui il dit à son chef, à son roi, il lui dit dans tes ordres il n'y a pas de faïda, ou bien tes interdits il n'y a pas de faïda. Est-ce que son roi sera satisfait de lui? Là. Non. Il dit à son roi, lorsque son roi lui en donne, أَوَاوِرُكُمْ لَيْسَ فِيهَا فَائِدَ وَنَوَاهِيكُمْ لَيْسَ فِيهَا فَائِدَ هَلْ يَرْضَوْنَ عَنْ. Est-ce qu'il va être satisfait de lui, son roi? هَلْ هَذَا يُحِبُّهُمْ فِي الْحَقِيقَ. Est-ce qu'en vérité il aime son roi? إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْمَخْلُقِ فَكَيْفَ يَنْسِبُ لِلْخَالِقِ. Si ça, on peut le dire pour la créature. Quel est le cas du créateur? Al-Khaliq. Donc celui, lorsque son créateur lui ordonne, ou lui interdit, il considère que c'est juste des charges. C'est juste un calife. Baisse. Juste un calife. C'est juste des charges. Mais qu'il n'y a pas de manfara, il n'y a pas de masalih, il n'y a pas de hikam, il n'y a pas de raya. Donc alors en réalité, lorsqu'il prétend l'amour, alors que son Seigneur lui ordonne, ou bien lui interdit, lui pense que c'est juste des charges, alors en réalité, c'est pas ça le vrai amour de son Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lahu, anta awamiruka laysa fiha fa'ida, fahiya abath. C'est dans le sens, fahiya abath. S'il dit à son roi, dans tes ordres ou à travers tes ordres, il n'y a pas de fa'ida. Il n'y a pas d'utilité en réalité. Il n'y a pas de sagesse derrière. Donc ça veut dire qu'il dit qu'elles ont été légiférées en vain. Ces ordres-là, ces impératifs-là sont abeth. C'est en vain. Abeth. Comme dit le Moussanif. Regardez, le Moussanif, il dit dans sa parole, pour ça la parole elle est très pertinente. قال المصنف رحمه الله وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص. ونحو ذلك تكاليف أي كلف بها ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد ابن درهم. Et l'auteur termine donc en disant, et le premier donc de qui est venue cette pensée là, c'est cet homme qui s'appelait Jad ibn Dirham. C'est le fondateur de cette pensée. Le fondateur de cette pensée. Donc vous avez compris? Donc là, c'est la première pensée, c'est la première catégorie. Là, on est en train de traiter une grande question que les savants ont traitée. Et là, l'auteur ramène les différentes tendances et conceptions par rapport à cette question-là. Est-ce qu'à travers la législation des adorations, il y a le manfara, ou le raya, ou le hikam? عندنا عند أهل السنة bien sûr. Bien sûr, lorsqu'Allah a légiféré les adorations, il y a un objectif. Il y a une sagesse derrière. Il y a des bénéfices. Il y a des bienfaits. Mais l'auteur cite une première conception, une première tendance qui est apparue. Une dérive. Dans l'aile. C'est une dérive. Eux, ils considèrent ces justes désordres liés à la volonté du Créateur. Liés à la volonté du Créateur. Wadih al-Kalam, donc cette première tendance. Vous avez compris ? Taïb. Nous, Asil. Qal al-Musannif. Donc lorsqu'il dit « Awwal man sadarat anhu al-maqala » Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham, alladhi huwa fi akhir ahd bani Umayya. Jad ibn Dirham, il est apparu le fondateur de cette pensée, de qui plus tard va prendre son disciple et son élève, Jahm ibn Safwan, prendra cette pensée de lui. Prendra cette pensée de lui. C'est pour cela que plus tard, ceux qui vont propager réellement cette pensée-là et ce credo-là, ça sera la tendance qu'on appelle Al-Jahmiyya. Eux vont propager cela. Lorsque va émerger plutôt Al-Jahmiyya, dans les premiers siècles. Pourquoi ? Parce que son disciple, Jahm ibn Safwan, sera un facteur, un personnage, justement, important dans la propagation de ces dérives. De ces dérives. Sinon, le premier, le fondateur de ça, c'est Jad ibn Dirham. Lui-même a pris cette croyance, comme il est dit dans des livres de croyances, d'un infiltré. Quelqu'un, lorsqu'on dit un infiltré, quelqu'un qui a mis l'islam en apparence, ensuite à la fin, tarak al-islam. Il a délaissé l'islam. Et lui, Jad ibn Dirham, a pris certaines pensées de lui. A pris certaines pensées de lui. Et plus tard, son élève, son disciple, Jahm ibn Safwan, va véhiculer et propager ces dérives-là. Et lui, Jad ibn Dirham, lui, il a vécu à la fin de l'époque de Banu Umayya, de l'Empire Omeyyade. Il est apparu à la fin de l'ère de l'Empire, ce qu'on appelle Al-Dawla al-Umawiyya. Al-Dawla al-Umawiyya. C'est pour ça que les Atba', les partisans et les disciples de Jad ibn Dirham, on les nomme Al-Ja'diyya. Vous allez trouver dans certains livres qui traitent de Al-Milal ou Al-Nihal, certains livres qui parlent des fractions et des différentes tendances qui ont émergé dans les différents siècles, ils nomment les partisans, vous allez trouver une fraction qui s'appelle Al-Ja'diyya. Al-Ja'diyya, ce sont les disciples et les partisans de Jad ibn Dirham. ثم جاء Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Et donc, à l'époque, parmi ce qu'ils ont véhiculé comme croyance, ils ont commencé en réfutant les noms d'Allah Azza wa Jal, les noms sublimes, en les niant, en niant les attributs d'Allah Azza wa Jal, en niant qu'Allah a parlé à Moussa, alayhi salam, en niant que Moussa était Khalil, Allah Azza wa Jal, que c'était le Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa nafou wa attalou ashya'an kathira. Ils ont nié beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui font partie de la croyance des musulmans et des musulmanes, des gens de l'islam. Al-Sinf al-Thani, dans la deuxième catégorie, on avait commencé à évoquer, on avait lu cette partie-là en arabe à la fin de l'assise d'hier. La deuxième catégorie, on avait commencé. Al-Sinf al-Thani, la deuxième catégorie, qu'est-ce qu'ils considèrent eux ? Que considèrent-ils par rapport, allez comme ça, par rapport à l'adoration ? الصنف الثاني قال المصنف القدرية النفات القدرية النفات. Là, l'auteur va citer la pensée des négateurs du destin. القدرية. Donc dans la première tendance, c'était Al-Jibriya en réalité. Les nufat, les négateurs des hikam et des ta'lil. Là maintenant, il va citer l'opposé. L'opposé de Al-Jibriya, cette tendance qui a dérivé dans la question du destin. L'opposé qui est Al-Qadariya Tunnufat, les négateurs du destin. Al-Ladina yuthbituna naw'an min al-hikmati wa al-ta'lil la yakumu bi al-rabbi wa la yarji'u ilay bel yarji'u li mahdi maslahati al-makhlouq wa manfa'ati. Qalu, regardez ce qu'ils disent. فهؤلاء يقولون قال المصنف رحمه الله تعالى الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوموا بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. اسمعوا، فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا لقوله جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا عندهم باء العوض والمقابل. فعندهم في الآية كذلك هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وفي الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم أوفيكم إياها. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه. قالوا ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى، وهاتان الطائفتان متقابلتان الجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على عبد، وأن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. قال والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. On va déjà traduire cette partie qu'on avait déjà lu. On va traduire cette partie. Vous allez voir dans cette deuxième tendance. En fait, vous allez comprendre, eux, ils considèrent que la récompense, que à travers l'observance des adorations, lorsque Allah Azza wa Jal a légiféré les adorations, eux, ils considèrent, lorsque le musulman accomplit les adorations et s'abstient des interdictions, ce qu'il aura en récompense, par exemple le paradis, et la récompense, c'est cette rétribution-là, c'est en échange. C'est en échange. Vous allez comprendre. Mais ils ne considèrent pas que les œuvres sont la cause de l'entrée au paradis. Vous savez, dans le hadith, vous ne rentrez pas au paradis par vos œuvres. Mais les œuvres sont une cause pour l'entrée au paradis et pour obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Eux, ils considèrent que ce qu'on a comme récompense, c'est iwadan. Oui, c'est le muqabil. C'est en échange. Vous allez bien comprendre dans ce qui va suivre, dans la traduction. La deuxième tendance, donc, ils disent, ils considèrent, l'auteur dit, il y a al-qadariya, donc les négateurs du destin. Ils reconnaissent qu'une certaine sagesse se cache derrière les prescriptions divines. Donc pourquoi ils sont cités comme deuxième tendance? Parce que, à la différence de la première tendance, ils considèrent que à travers la législation des adorations, il y a une certaine sagesse. Nour min al-hikma. Ils confirment, ils affirment une part de sagesse. Nour min al-hikma, dit l'auteur, une part de sagesse. Ils reconnaissent qu'une certaine sagesse se cache derrière les prescriptions divines. Contrairement au premier, contrairement à la première tendance. Cependant, celle-ci, ils disent, regardez, ne proviendrait pas d'Allah. Et ils n'en recevraient pas les fruits. Le seul intérêt que ces prescriptions puissent offrir à leurs yeux revient uniquement aux créatures. Revient uniquement aux créatures. C'est-à-dire l'intérêt de ces adorations et de ces awamir. Ça revient aux créatures. Il dit, les actes d'adoration joueraient ainsi le rôle de transaction en échange de la récompense et des jouissances dont peut jouir l'individu. Elle est comparable au salaire de l'ouvrier. Il compare la rétribution au salaire de l'ouvrier. Vous allez mieux comprendre dans ce qui va suivre. C'est pourquoi Allah considère les récompenses comme une compensation aux adorations, comme notamment dans le verset. Regardez dans un verset, Allah Azza wa Jal dit, il aurait alors ailé, dans une traduction relative, voici le paradis que vous avez hérité pour les œuvres que vous faisiez sur terre. Écoutez bien, pour, c'est le ba qu'il y a dans les différents versets cités. Êtes-vous rétribué dans un autre verset pour autre chose que pour les œuvres que vous faisiez? Bima kuntum tarmaloun, bima. Vous avez vu le bi? On va parler de ce ba. Êtes-vous rétribué pour autre chose que pour les œuvres que vous faisiez sur terre? Dans un autre verset, entrez au paradis pour les œuvres que vous faisiez sur terre. Dans un autre verset, les patients recevront leur salaire sans compter. Vous avez vu ces différents versets cités? Pour eux, lorsqu'il est dit par exemple, voici le paradis que vous avez hérité pour les œuvres. Le bain qui est traduit ici pour, soit eux le considèrent le bain dans le sens de Iwadan ou al-muqabil. Bain al-muqabala ou bain al-iwad. Ils considèrent que le bain c'est dans le sens en échange. En échange. Donc eux ils traduiraient dans le sens voici le paradis que vous avez hérité pour les œuvres, en échange de vos œuvres. Si on dit que le bain c'est dans le sens l'il-iwad, Al-Muqabil, c'est dans le sens qu'on traduirait en échange de ce que vous faisiez, en échange de vos œuvres. Or, les savants, les grands spécialistes, les ulama, ils disent que le ba ici, dans la langue arabe, c'est pas le ba dans le sens de Iwawan, mais c'est le ba sababiyya. C'est le ba de causalité. C'est le ba en arabe, lorsque je dis le ba, le b. Si vous voulez, le ba'u, c'est le ba de causalité, c'est-à-dire as-sababiyya, que c'est la cause. Rentrer au paradis pour cause, dans le sens bima kuntum tarmaloun, pour cause de ce que vous faisiez. Donc les œuvres sont cause, sont la cause pour rentrer au paradis. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Que les œuvres sont une cause pour entrer au paradis, pour obtenir la miséricorde d'Allah Azzawajal. Sinon, regardez dans le hadith. Le prophète Sallam nous dit, voici vos œuvres que je vous recense et que je vous rétribuerai ensuite. Et donc, les textes parlent de salaire, de rétribution et de récompense qui reviennent en compensation aux bonnes œuvres de l'individu. Et donc, eux, ils vont mettre en avant cela. Pour dire que non, la récompense c'est l'échange. Le paradis c'est en échange des œuvres. Vous voyez la différence dans ce qu'on dit. Le paradis c'est en échange des œuvres. Et lorsqu'on dit le paradis c'est pour cause. La cause de l'entrée au paradis, c'est, parmi les causes, les œuvres sont cause de l'entrée au paradis. Vous faites la différence, vous allez mieux comprendre. Qala al-sharih fi fadat al-mustafid. Là, vous allez mieux comprendre l'explication. On a traduit le passage, maintenant on va expliquer. Al-qadariyatu عندها اولى ان العبد يستحق الجنه بعمله. Pour eux, les négateurs du destin, ils considèrent que le serviteur, il mérite le paradis bi'amali, pour ses œuvres. Il mérite le paradis pour ses œuvres. ليس لله تفضل عليه بذلك. Et donc en cela, il n'y a pas de place pour la grâce d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas une grâce d'Allah. Vous comprenez la différence? Lorsqu'on dit en échange des œuvres, pour eux, regardez, ils méritent le paradis. C'est en échange de leur œuvre. Comme lorsque l'ouvrier reçoit son salaire. Il n'y a pas de place à la grâce. Pour eux, ce n'est pas une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Qala. Vous avez vu, c'est des questions qui sont subtiles, hein. Parce que c'est des questions liées à la croyance, à l'aqida. Et lorsqu'on a une mauvaise conception, ensuite, ça a des conséquences, fi, al-ibada, dans l'adoration, puisque là, on est en train de parler de al-ibada. Qala. Wa innama yastahiquha bi'amali wa ta'a. Istihqaqan laysa lillahi fihi tadakhul. Subhanallah. Et donc, pour eux, ils rentrent au paradis parce qu'ils méritent. C'est lié, c'est en échange de ses œuvres et de ses obéissances. Istihqaqan, c'est un mérite qu'il a et il n'y a pas de part liée à la grâce du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. La tafaddul wa la minna. Donc Allah ne lui a pas accordé cela par grâce. Allah ne lui a pas fait grâce de cela. Mais c'est en échange, il mérite cela en échange de ses œuvres. Ta'ala, ta'ala Allah amma yaqulun. فيجعلون دخول الجنة إنما هو باستحقاق العبد لا برحمة الله ولا بفضله ومن ومنه وكرمه وهذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. Regardez, en réalité, la vraie pensée, la vraie croyance, c'est de savoir que si on est récompensé et on rentre au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Et c'est par sa grâce. Et c'est parce qu'Allah Azzawajal nous accorde cette grâce. Mais ce n'est pas par notre mérite à nous. Mais c'est par miséricorde d'Allah. Birahmatihi wa karami wa mannihi wa karami. Et leur pensée, les savants la réfutent. Pourquoi? Parce qu'elle contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةِ » Personne d'entre vous, ses œuvres, le feront rentrer au paradis. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'entre vous, regardez, « لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ » Donc on voit, c'est ses œuvres. Personne d'entre vous, ses œuvres, le feront rentrer au paradis. Ils ont dit « Ô messager d'Allah, toi-même ?» Toi aussi au messager d'Allah, de ça toi-même au messager d'Allah, tu ne rentreras pas au paradis par tes œuvres. Et là, le prophète ensemble de répondre, voilà, là, voilà, Anna. Le prophète a dit, non, même pas moi. Sauf si Allah me recouvre de sa grâce et de sa miséricorde. Donc vous comprenez que on rentre au paradis par grâce d'Allah Azza wa Jal. Hada bi fadlillahi Azza wa Jal. Bi rahmatihi. C'est par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Mais personne ne rentre au paradis par ses œuvres. Mais donc les œuvres sont quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Sabab. C'est pour ça qu'il dit bima kuntum tarmalun. Bima kuntum tarmalun. Dans beaucoup de versets, lorsqu'il dit bima kuntum tarmalun, al ba li sababiyya. Que le ba, ici, c'est pour ça qu'on a cité cela tout à l'heure, c'est très important. Que le ba, ça a un sens de causalité. C'est la cause pour l'entrée au paradis. Qala al-Sheikh. Et là, vous allez mieux comprendre. ويستدلون بقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما قالوا الباء هنا باء العوض والثمنية que c'est le thaman. C'est ça, thaman. Vous avez vu, pour eux, le paradis, c'est le prix. Vous avez payé. Vous avez votre prix, votre salaire, en échange, comme l'ouvrier, il a son salaire. Vous allez vous dire, c'est une récompense, Naram, c'est la récompense, mais cette récompense, on l'obtient par miséricorde du Créateur, par la grâce d'Allah, ça fait partie de ce qu'il accorde, par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui est touché par la miséricorde d'Allah, et qui obtient la miséricorde d'Allah, azzawajal, alors Allah le récompense. Et les œuvres, c'est une cause pour atteindre cela. Vous comprenez la différence ? Qalou, regardez. Yastadilluna biqawlihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun bima qalu alba huna ba al-iwad wath-thamaniyya. Fahum istahaqqu dukhulaha 'ala Allah wa laysa lillahi tafaddul fi dhalik wa innama huwa istahaqqaha bi fi'lihi huwa. Et donc, comme on l'a dit précédemment, le cheikh nous explique que donc pour eux, ils le méritent. C'est leur salaire qu'ils méritent. Et en aucun cas, la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y a une part de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ نَجْمَعَ بَيْنَ الْبَاءَيْنِ Et Cheikh, il dit, comment alors نَجْمَعَ بَيْنَ الْبَاءَيْنِ Entre les deux bas. Entre les deux bas. لَنْ يُتْخِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ Dans un autre verset, il y a, dans un autre hadith, une autre riwaya, La yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amali. Al-jannata bi'amali. Dans la première riwaya, lan yudkhila ahadan 'amaluhu. 'Amaluhu yudkhilu. Yudkhiluhu al-janna. La. Nafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna 'amalahu yudkhilu ahadan al-janna. Wa fi hadha al-hadith, la yadkhulu ahadun minkum al-janna bi'amali. Fa kayfa najma' bayna al-ba'ayn? Qalu as-siyaq mukhtalif. والباء في كل سياق غير الباء في سياق الآخر في سياق الآخر فالباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سببية هذا قول العلماء سببية أي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون والباء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل باء العوض والثمنية فليست الجنة ثمن لعمل الإنسان وإنما عمل الإنسان سبب في دخولها وإلا فعمل الإنسان قليل بالنسبة للجنة ونعيم الجنة الله يتفضل عليه بذلك ولو حسب الإنسان على نعم الله عليه التي لا يعلمها إلا الله ظاهرة وباطنا ما بقي له عمل استحقها الحساب وقد استغرقها حساب النعمة ولكن الله يدخل العبد الجنة بفضله والعمل إنما هو سبب فقط Et ça c'est très important. Regardez, l'auteur va bien nous expliquer. Cheikh, il nous dit. Donc, effectivement, dans certains cas, selon le contexte, le bas, il peut avoir le sens de le reward. Pour, c'est-à-dire, en échange. Pour, en échange. Mais dans un autre contexte, le ba peut avoir le sens de sababiyya. Lorsqu'on dit ba, bi, vous avez vu, il y a un bi. Bima kuntum tarmam, le bi. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Si je vous traduis littéralement, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Est-ce qu'on dit c'est dans le sens de en échange de ce que vous faisiez ou pour cause de ce que vous faisiez? Pour cause, sababiyya dans ce verset. C'est-à-dire que les bonnes œuvres, al-ibadat ou al-armel al-salihat, comme on l'a dit, c'est une cause pour entrer au paradis. Mais ce qu'il faut savoir, que les hommes ne rentrent pas au paradis, c'est pas leurs œuvres qui les font rentrer au paradis. Mais les œuvres sont une cause pour entrer au paradis. Dans le hadith que le prophète sallam dit, لا يدخل أحد منكم الجنة بعملي. Personne d'entre vous rentrera au paradis bi'amali. Ici, dans le hadith, bi, là, il a dans le sens des rewards, en échange de ses œuvres. C'est pas dans le sens bi sabab al-amal. La riwadan. C'est la riwad. personne d'entre vous rentrera au paradis en échange de ses œuvres. Là, le bain, oui, c'est le bain dans le sens en échange. Pourquoi ? Parce que les savants disent Laysat al-Jannah thaman li'amali l'insan. Le paradis, ce n'est pas le prix de l'action de l'homme. C'est pas le prix. Dans le sens, le paradis, c'est pas seulement le salaire. C'est pas le salaire de l'œuvre de l'insan, de l'homme. Il faut pas penser comme cela. Vous allez mieux comprendre. Mais l'œuvre de l'homme, c'est la cause pour rentrer au paradis. Pourquoi les savants disent ça? Vous savez pourquoi? Parce que je sais que vous vous posez la question. Mais le paradis, c'est en échange de nos œuvres. Et quelle est la différence en ce qu'on dit bisabab? C'est pourquoi? Vous voyez un peu la différence entre lorsqu'on dit les œuvres sont la cause pour entrer au paradis, mais vous ne rentrez pas au paradis pour vos œuvres. Ce n'est pas les ulama qui le disent, c'est le Nabi Sansam qui l'a dit. Personne d'entre vous rentrera au paradis par ses œuvres. Ce n'est pas ses œuvres qui le feront pas entrer au paradis. Mais c'est une cause pour entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, par rapport au paradis et la récompense du paradis, savez-vous pourquoi qu'en réalité c'est pas en échange, c'est pas les œuvres qui nous font entrer au paradis? Parce qu'en réalité, par rapport au paradis et l'immensité de cette récompense, la grandeur du paradis, nos œuvres sont minimes. Qalil. Amaluna qalil binisba lil jannah. Si c'est nos œuvres qui nous font rentrer au paradis, ça risque d'être un problème. Pourquoi? Parce que nos œuvres par rapport au paradis, regardez ce que dit l'auteur, c'est très pertinent. À côté de la félicité du paradis, à côté de l'immensité de cette récompense qui sont qu'est al-Jannah, le paradis, amal al-insan qalil. Nos œuvres, elles sont peu. Elles sont infimes. Et donc, si on veut rentrer au paradis, qu'est-ce qu'il faut? Si nos œuvres sont infimes par rapport à l'immensité, la grandeur du délice du paradis, qu'est-ce qu'il faut? Fadlullah azza wa jal. Wa rahmatullahi azza wa jal. Il faut la grâce d'Allah. Donc, on rentre au paradis par la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah azza wa jal. Mais les œuvres, na'am. Al-A'mal sabab. Lazim ta'amal. Tu dois œuvrer. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul badiru bil a'mal. Fitanan. Empressez-vous à bien œuvrer. Allah nous dit sari'u ila maghfirat. Sari'u. Dans un empressez-vous. Sari'u. Badiru bil a'mal. Empressez-vous à accomplir les bonnes actions. C'est une cause pour obtenir la miséricorde et la grâce d'Allah azza wa jal. Mais c'est pas avec vos actes. C'est pas vos actes qui vont vous faire entrer au paradis. Regardez ce que dit l'auteur. Allah tafaddala alayhi bidhalik. Wa law husiba al-insan ala ni'ami Allahi alayhi allati la ya'lamuha illa Allah zahiratan wa batina ma baqiya lahu 'amal istahaqqa al-hisab. Istahaqqa al-hisab. Tafaddal. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسيده. Regardez, c'est très pertinent. Écoutez bien, c'est très pertinent. Cheikh, regardez ce qu'il va dire. Ça, faut l'apprendre par cœur. هذا رد أهل السنة والجماعة على هؤلاء. إن العبادة شرعت أسبابا ولا أثمانا. Apprenez-le par cœur. شرعت أسبابا ولا أثمانا. On va le redire. Regardez donc. لو حسب الإنسان. Si l'insan maintenant, il devait rendre des comptes sur tous les bienfaits qu'Allah Azzawajal lui a donnés, toutes les grâces d'Allah Azzawajal sur lui, il devait rendre des comptes sur cela. Tous les bienfaits d'Allah Azzawajal, les bienfaits apparents et les bienfaits non apparents. Vous savez, parmi les bienfaits qu'Allah Azzawajal octroie à l'homme, sa grâce qu'il octroie, il y a des bienfaits que vous voyez en vous. Celui qui est en bonne santé, il voit, il ressent ces bienfaits-là. Celui qui a des biens, celui qui vit en sécurité, il voit ces bienfaits. Mais il y a des bienfaits qui sont batinan, que vous ne voyez pas. Chaque jour, Allah Azzawajal vous protège de mal. Chaque jour, Allah Azzawajal vous protège, vous préserve. Chaque jour, Allah Azzawajal vous accorde des bienfaits, votre créateur, que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Donc si la personne devait rendre compte pour tous les bienfaits qu'Allah Azzawajal lui a octroyés, zahiratan wa batinan, tous ces bienfaits, qu'ils soient apparents ou non apparents, par rapport à ses œuvres, il lui resterait plus d'œuvres. Il lui resterait plus d'œuvres. C'est pour cela, regardez ce qu'il dit. Wala husib al-insan ala ni'amillahi alayhi allati la ya'lamuha illa Allah, zahiratan wa batinan, ma baqiya lahu 'amal wa istahaqqa al-hisab. Pourquoi ? Parce que la balance des bienfaits l'aurait emporté. Walakin Allah yudkhilu al-'abd al-jannata bi fadlihi wa al-'amalu innama huwa sababun faqat. Sababun faqat. Donc ça, il faut le retenir, ça c'est notre croyance, la croyance du musulman. Donc regardez. Et Allah par sa grâce يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعة مئات ضعف. Et par sa grâce, Allah Azza wa Jal يضاعف, il multiplie les bonnes actions. Il les décuple, il les multiplie par 10, elles sont décuplées jusqu'à voir 700 fois. Elles sont multipliées et jusqu'à plus. C'est-à-dire que lorsque vous faites une bonne action, à la base, une hasana, c'est une hasana. Hasana. C'est une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, la bonne action, il la décuple. Au minimum, elle est décuplée. يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah, il multiplie les bonnes actions pour qui il veut. Donc vous, vous ne savez pas. Vous accomplissez des bonnes actions. On accomplit des bonnes actions et on ne sait pas, pour nous, une bonne action qu'on a accomplie, c'est une bonne action. Mais on ne sait pas, Allah azza wa jal nous l'a inscrite pour nous et enregistrer centaines de bonnes actions, parfois. Parfois, centaines, parfois 400, 500, 600, 700 fois, et voire plus encore. La bonne action, elle est multipliée. Ça, c'est pourquoi ? C'est par la grâce d'Allah, bifadli azza wa jalla. Ça, c'est par sa grâce. C'est par la grâce d'Allah. C'est pour ça que le prophète, il faut bien comprendre, lorsqu'il dit, on ne rentre pas au paradis pour un échange de nos œuvres, c'est pas nos œuvres qui nous font rentrer au paradis, on comprend pourquoi c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal. Sinon, le paradis, par rapport à nos œuvres, la récompense du paradis est immense. C'est incomparable avec nos œuvres. Nos œuvres sont infimes. Khalil. Amal al-insan khalil. Comme dit l'auteur ici, il dit « Wa illa fa amal al-insan khalil bi nisbati lil jannah wa na'im al-jannah. Allahu yatafaddal alayhi bi dhalik. » ولو حسب الإنسان نعم الله عليه التي لا يعلمها إلا الله ظاهرة وباطنة ما بقي له عمل واستحق الحساب واستحق الحساب. Regardez, l'auteur nous dit, si on devait être jugé pour tous les bienfaits qu'Allah nous octroie, nos œuvres ne suffiraient pas. Ne suffiraient pas. فقال والعمل إنما هو سبب فقط سبب لدخول الجنة لكن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله. لا يدخل الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله أبدا لكن يدخل بفضل الله عز وجل ولذلك قال العلماء بما كنتم تعلمون في كثير من الآيات لما قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون بما الباء هنا السببية وليس عوضا ليس للعوض والمقابل قال الشيخ الشارح والله يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف كثيرة منه سبحانه وتعالى وبفضله وفضلا منه فهذا الفرق بين قول الجبرية وقول القدرية وهذا هو جواب أهل السنة والجماعة عن شبهات القدرية عن شبهات القدرية لأن عند القدرية نفاة القدر عندهم الإنسان يدخل الجنة بعمله لأن عندهم الجنة ثمن وقال العلماء وهذه قاعدة قال فعندهم العبادات شرعت أثمانا وهذا غلط هذا غلط قال العلماء من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا قالوا أهل السنة يقولون إن العبادات شرعت أسبابا ولا أثمانا سيفو لابخاند لازم تحفظ هذا الكلام هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة في رواية وفي رواية لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله لماذا؟ لماذا الجنة؟ قالوا العبادة شرعت أسبابا ولا أثمانا لماذا؟ لأن قال العلماء فليست الجنة ثمن لعمل الإنسان الجنة ليس بثمن لعمل الإنسان إنما عمل الإنسان سبب في دخولها أو في دخول الجنة وإلا فعمل الإنسان قليل بالنسبة للجنة ونعيم الجنة الله تفضل عليه بذلك عمل الإنسان قليل بنسبة الجنة بنسبة الجنة وبنسبة نعيم الجنة عمل الإنسان قليل فمن قال أنه يدخل الجنة بعملي كأن الجنة ثمن لعملي وإنما يدخل الإنسان المسلم يدخل الجنة بسبب عملي وإلا الإنسان يدخل الجنة برحمة الله عز وجل وبفضله جل وعلا ولذلك في الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا قال إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته ils ont dit lorsque le prophète a dit vous rentrerez pas au paradis par vos œuvres ils ont dit au prophète même toi messager d'Allah même toi tu vas pas rentrer au paradis par tes œuvres le prophète a dit voilà ana sauf si Allah me recouvre par sa miséricorde et sa grâce عمل الإنسان قليل بنسبة نعيم الجنة Les œuvres du croyant sont minimes. Si vous rentrez au paradis par vos œuvres, vous pensez que vos œuvres, c'est le prix. أنك تستحق الجنة. الجنة نعيم كبير وعظيم. أعظم من عملنا. فندخل الجنة بفضل الله عز وجل. والعمل سبب. ولذلك يقول العلماء بما كنتم تعملون في الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباء هنا للسببية المعنى للسبب ليس عوضا لكن في الحديث لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل هذا الباء عوض بل عوض لكن في الآيات قال العلماء النحويون واللغويون يقولون الباء للسببية وليس هنا الباء للعوض والثمنية نكتفي بهذا القول ونواصل الكلام أو سوف نواصل الكلام إن شاء الله في يوم غد بحول الله جل وعلا